Exercice 4, page 52. Permettre. Certaine. Extrême. Elle-même. Leur sœur. Leur cœur. Leur œuvre. Leurs meubles. Leur mère. Leur père. Leur frère. Leur fête. Lecteur. Serveur. Belle-sœur. Chercheurs.